La Chignole, festival féministe de transmission de savoirs techniques, atelier à mixité choisie, apprentissage collectif, DIY, Radio Galère 88.4 FM, samedi 20, je sais pas quoi, samedi 20 mai, 16h-17h, en direct de la Tarantula. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Chignole, émission spéciale dans le cadre du festival marseillais La Chignole. Vous êtes bien sur Radio Galère et au programme de cette émission, plein de surprises et plein de belles choses. En effet, la première édition du festival La Chignole s'est tenue à Marseille du 15 au 20 mai et nous vous proposons donc dans ce cadre un petit parcours qui retracera un peu les thèmes abordés pendant toute la semaine, voire peut-être un peu plus. Au micro aujourd'hui, Mathilde, Margot, Nénu, Narges, Elsa L et moi-même Elsa V pour une émission préparée ce matin même dans le cadre d'un des ateliers de cette semaine. Et oui, on a préparé cette émission il y a moins de 5 heures à la Tarantula à Marseille. Nous y sommes actuellement, c'est une émission en direct avec du public et... il fait pas très beau sur Marseille aujourd'hui, nous sommes abrités à l'intérieur, mais ce beau public ramène le soleil. Mais alors, qu'est-ce que c'est La Chignole ? C'est à la fois un collectif, mais aussi et beaucoup un festival, comme je disais, qui propose tout un tas d'ateliers de savoir-faire technique. Par exemple, il y a eu un atelier de prise de son animé par Louise et Johan, et on écoute tout de suite un extrait de ce qui a pu être produit cette semaine. Et tu fais quoi ce matin ? Tu sais, il y a le festival La Chignole, il y a un atelier d'initiation à la prise des sons. Ah, putain, ok. Attends, vas-y, laisse-moi voir mon agenda. Alors. Ah, bah, je suis libre, trop bien. Bah oui, alors, viens avec moi. Allez. Bonjour. Bonjour. Festival La Chignole, lundi 15 mai. De 9h30 à 13h. À la prise. Atelier d'initiation à la prise du son avec les gens des Radio Galères et Radio Rageuse. C'est malin ça. On est trop bien. Du coup, je peux inviter Jérôme. Mais non, mais c'est le festival des savoirs et techniques féministes. C'est à l'université. Venez nombreuses. Bonjour à tous et à toutes, donc c'est Carole sur Radio Escapade Insolite. Aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer Sceau, seul détenteur des secrets des gorges de la Friche. Alors voilà, on est dans le tunnel là actuellement et nous allons aller vers la crypte. Bonjour. Est-ce que vous voulez répondre à une question ? Oui. Ok. En fait, on se demande ce que c'est des roues flaquettes. C'est quoi ça ? C'est bien la question. Des roues, c'est pas des plaquettes. C'est pas des claquettes. Ah, ils ont des roues. Ah, c'est comme du roller. Ouais, c'est des claquettes ou qu'ils ont des roues. Comme un c'est peu du roller. Un peu peut-être. Mais demande qu'est-ce que ça fait. Moi je suis d'accord avec toi. C'est pas des roller. Ouais, comme ça. Des roues flaquettes, c'est pas des. C'est pas des. À manger. Parce que moi j'ai pas. Mais mange. C'est pas des chips. Non. Mais là, des roues flaquettes, normalement, je pense que c'est ça, des claquettes avec des roues. Ah, vous pourrez mettre sur TF1. Donc, Sceau, là, je te suis à peu près depuis 10 minutes. On marche dans une espèce de grotte. On est bientôt arrivé. Oui, là, on arrive aux gorges. C'est à moi de parler. Oui. Bonjour, c'est le micro-trottoir chuchoté. Qu'est-ce que vous pensez des zones humides ? Bonjour, c'est le micro-trottoir chuchoté. Qu'est-ce que vous pensez des zones humides ? Je suis chanté. Voilà, voilà, ça a l'air de souffler. Ah, on peut souffler encore un peu, un petit peu. Voilà, merci, bien aimable. Merci à vous. Bonjour, c'est le micro-trottoir chuchoté. Qu'est-ce que tu penses des zones humides ? Des plantes. Elle a besoin de Voilà les profondeurs des gorges de la friche. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très joli. Bon bah voilà, c'était Radio Escapade Insolite pour ce lundi 15 mai dans les gorges de la friche. Bonne journée à tous et à toutes. On vient d'écouter un extrait donc de ce qui a pu être produit cette semaine. Merci aux personnes qui ont participé à l'atelier prise de son de nous avoir envoyé ça. Et dans cette première partie de l'émission, on a voulu s'interroger un peu plus sur ce que c'est la question de la transmission féminine. Nénu et Margot nous en parlent un peu plus tout de suite. Alors, voilà, il y a eu des ateliers liés aux appareils électroniques. Il y a eu plein d'ateliers et d'ateliers qui ont été joyeux, comme on l'a entendu dans ce petit reportage. Et comme l'a dit Elzavé, on s'est intéressé à cette question de la transmission féministe et de comment transmettre sans reproduire des systèmes d'oppression. Voilà, ça a été une vaste question qu'on a commencé à aborder et on en a tiré des petites idées. Et on avait envie avec vous de partager un petit moment collectif pour essayer de faire une espèce de grande recette de qu'est-ce que c'est qu'une transmission féministe. Parce que nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans un cadre d'un festival comme La Chignole, ça nous permet en fait de se réapproprier des savoir-faire et de réapprendre des formes pédagogiques et au mieux qu'elles soient féministes. Donc dans ces petits, pour vous inspirer, dans ces petits post-it qu'on a commencé à écrire ensemble ce matin pour s'inspirer, on a pensé à l'entraide. Voilà, comme dans cette espèce de manuel de la transmission féministe, on mettrait l'entraide, on mettrait l'adelphité, on mettrait une transmission qui soit douce, efficace et percutante et qui nous permette d'apprendre la répartie théorico-technique contre tous ceux qui croient tout savoir. Donc un micro qui va tourner parmi vous, le public qui est là à côté. Pour continuer ce manuel de la transmission féministe, qu'est-ce que vous mettriez comme trésor dedans pour qu'elle se passe bien ? Des idées. Je dirais laisser faire la personne apprenante et l'observer faire tout en lui expliquant. Et ne pas lui prendre le faire, en fait. De la joie, que ce soit joyeux. Oui. De la joie. Que ce soit détendu et sans pression. Supprimer toute forme de dévalorisation. De la bienveillance. Oui. La valorisation de l'erreur, au final. Eh ben, ouais, j'ai l'impression que le micro a fait un bon tour, il est revenu dans la personne qui le possédait au départ. voilà, on a un petit manuel, donc celles qui veulent s'en inspirer, vous pouvez retranscrire tous ces mots, et ça fait peut-être une bonne formule de transmission féministe. Et donc pour continuer, on a voulu vous transmettre avec Margot un petit bout d'un texte d'un livre qui s'appelle « Le subtil béton », qui est un bel exemple de travail collectif et de transmission de savoir, puisque c'est un livre qui a été écrit collectivement, plutôt dans le cadre des Lentillères, mais je ne voudrais pas en parler trop sans savoir. Voilà, on a trouvé que c'était un beau moment d'écriture et qu'on avait envie de vous le communiquer. Elle longe un quartier décrépit. Des murs végétaux, plutôt piteux, qui ne parviennent pas à cacher les infiltrations et les moisissures des façades. L'exemple typique de l'éco-quartier mal vieilli. Elle s'arrête finalement devant une voiture hors d'âge. Vous avez le droit de rouler avec ça ? Mais c'est sûr qu'on évite de circuler en ville. Et comme on ne peut pas l'adapter à la technobloc, on va finir par s'en passer. C'est encore Manteau Violet qui lui a répondu. L'autre, mutique, s'installe au volant et enlève son bonnet rouge d'un geste lent. La nuit enveloppe les enfilades des entrepôts. L'ancienne cité ouvrière se dévoile par saccades. Phase entrevoit les grues et les portiques, l'enchevêtrement du port silencieux. Les vitesses craquent et les secousses trahissent des amortisseurs au bout du rouleau. Étrangement, la bagnole ne sent pas le biocarburant. Les quais doivent encore receler quelques cuves à fioul pour celles qui savent chercher. Elle se concentre sur le chaos de la route, sur la mécanique approximative de la voiture. Tiens, ni ventilateur, ni chauffage. Et un problème de faux contact dans le clignotant. L'assistance embarquée a l'air déconnectée. Mais il faudrait vérifier qu'elles ont bien pété la boîte noire. Faz fixe à nouveau son attention sur les deux filles à l'avant. Essaye de comprendre le sens de leur conciliabule. Mais elles ne parlent qu'à demi-mot. La conversation n'a pas de sens. Ou alors un sens que personne ne peut saisir en écoutant simplement. Et le moteur chauffe. Pourtant, le terrain est un peu plus plat. Faudrait vraiment rebrancher votre ventilo. J'imagine que c'est lié à la déconnexion du système de contrôle. Si vous voulez, je regarderai ça. Avec l'électronique auto, je me débrouille plutôt pas mal. Manteau violet lui lance un... Ah oui, super. Mais reprend immédiatement sa discussion avec Bonnet Rouge. Elles échangent quelques mots et rient entre elles. Puis, retour au silence. Phase, imagine la mer, droit devant, derrière une dune ou en contrebas d'une falaise abrupte. Il fait un de ces froids dans cette caisse. Clignotant droit. Tiens, celui-là marche au poil. On bifurque sur la gauche. La mer s'éloigne probablement. La nuit devient complète. Il est trop tard pour rebrousser chemin. La pluie tombe, serrée. Maintenant, et les filles restent silencieuses. Maintenant, quelques maisons basses apparaissent. Personne ne les suit. Elles s'engagent alors sur une petite route gravillonnée. Chaleur et lumière. Ici, tout va déjà mieux. La maison est exiguë, bourrée d'affaires. Faz laisse traîner ses yeux pour apprivoiser l'endroit. Le tas de vestes et d'écharpes sur le meuble est énorme. Je pourrais proposer de fixer des porte-manteaux derrière la porte d'entrée. Des pions de dames et d'autres jouets jonchent le sol, et dans un coin, une caisse pleine de vieux combis et de chargeurs divers. Je pourrais trier tout ça. Comme première occupation, c'est tout à fait dans mes cordes. Une odeur un peu aigre flotte dans l'air. Faz repère un bol de levain qui déborde à côté du radiateur. Il y a aussi une table, étonnamment large pour la taille du salon. À un bout, des dizaines de puces électroniques y sont étalées dans un plateau, avec une loupe fixe, un fer à souder de précision et des carottes en cours d'épluchage. À l'autre bout de la table, deux enfants sont penchés sur des combis. Pas un regard pour Faz, sûrement habitué à ne pas poser de questions, ou juste un peu timide. Elle détaille encore le brouillard de la théière, l'empilement des bocaux, des livres cornés et des dinosaures en plastique. Ça en fait des choses à ne pas casser. Merci beaucoup, les filles, pour cette belle lecture. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le titre du livre et son auteur ? Donc c'est un livre qui s'appelle Subtil béton. On encourage vraiment tout le monde à le lire, c'est incroyable. Ça traite l'ayant de... fini, j'avoue. Ouais. Ça traite, c'est un roman fictionnel qui se passe dans le futur et qui raconte un peu un état totalitaire ou au moins archi-sécuritaire. Et c'est la vie de militants qui essayent de se dépatouiller là-dedans. C'est queer, on y parle en écriture inclusive et c'est vraiment chouette. Ça donne de l'espoir. Merci beaucoup. On va maintenant faire une petite pause musicale. Margot, il me semble que tu avais choisi un son ce matin. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Ah ouais, carrément. C'est un son qui est interprété par une chorale qui s'appelle Les Chianteuses. Et du coup, en fait, c'est un son qui s'appelle La Danse des Bombes. C'est a été écrit par notre camarade à toutes et à tous qui s'appelle Louise Michel. Petite acclamation. Ouais. Il a été créé en 1871 pendant les événements de la Commune. Oui, barbare, je suis. Oui, j'aime le canon. La mitraille dans l'air, ami, ami, dans son air. Toujours sur le 88.4, nous venons d'écouter la danse des bombes chantée par la chorale des chanteuses. On va passer à la seconde partie de cette émission, spéciale Radio Chignol. Comme je disais en intro, la Chignol c'est un collectif mais aussi un festival autour des savoir-faire et apprentissages techniques. On accueille maintenant sur le plateau Mathilde qui a quelques invités à nous présenter. Oui, du coup je suis en présence de Magda qui a animé l'atelier Boulange. Salut. Et Anaïs qui a organisé le festival de la Chignol ainsi que tout le public qui a participé à des ateliers et on va venir vous chercher et qui en a aussi animé et qui a aussi enfin voilà, il y a un peu tout le monde là dans le public aujourd'hui. L'idée c'était de pouvoir se dire pouvoir avoir un petit peu un retour sur la semaine et donc on va pouvoir aussi faire circuler un micro pour qu'à chaque question super ouverte tout le monde puisse aussi participer. Alors n'hésitez pas à lever le bras pour venir témoigner aussi en même temps. Enfin voilà. Donc la première question c'était de savoir qu'est-ce que vous retenez de la semaine de la Chignol. C'était super bien. Hein. Ouais, j'étais super surprise. Pas surprise, mais hyper enthousiaste et ravie de rencontrer tout le monde. Ouais. Et ouais. Ouais, de chouettes rencontres, de chouettes élans, plein de créativité partout. C'était plein de force, ouais. Et est-ce que dans le public, vous avez aussi des choses à nous dire ? Le festival, ouais, c'est le fait qu'on apprenne de réels savoirs techniques qui sont souvent réservés aux mecs cis. Et voilà. Et moi, ça m'a fait très plaisir. Par exemple, hier, il y avait un atelier cerf-volant où on a appris à faire des impressions 3D. Et on a fait des petites pièces 3D exactement ajustées à nos cerfs-volants. Et je pensais pas faire ça un jour. Et je pensais que c'était vraiment un truc très complexe à apprendre et développer. Et la réponse est non. Donc voilà, on ressort de là super contente. Eh ben merci, ça nous fait la transition vers les ateliers justement. Qu'est-ce qu'il y a eu comme atelier cette semaine ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez animé ou ceux auxquels vous avez participé pour qu'on puisse avoir un peu une image, qu'on puisse s'imaginer, puisque là on est quand même écouté à Marseille et à Avignon. Mmh. Voilà, il faut s'imaginer que tout le monde n'a pas pu participer à la Chignol et donc on se demande qu'est-ce que c'est qu'un festival féministe de savoir technique. Il y a eu de l'échange autour du travail de cordiste, il y a eu de la navigation, de l'électricité, de la plomberie. De l'autogynécologie, balade naturaliste, du coup boulangerie, on a eu quoi, menuiserie, joaillerie, plomberie, métallerie, plein de trucs en i, et surtout plein un atelier radio au long de la semaine, un méga plateau radio trop stylé, avec plein de, enfin décomposé en plein de savoir-faire. Il y a eu gros pôle vélo aussi. Gros pôle vélo, pareil, toute la semaine. Merci aussi. Ouais. Un atelier qui a duré une semaine aussi, cinéma documentaire. Mm-hmm. Et puis un gros pôle bidouille hacking aussi, où il y avait les cerfs-volants, émetteurs FM, dégoogliser son smartphone. Enfin, ouais, beaucoup de choses très différentes, très concrètes et ancrées dans le réel, on va dire. Trop bien. On avait un petit son justement qui nous venait d'un atelier boulangerie. Allez, va pétrir. Allez-y, hein, on peut commencer à mélanger. Hein. Ah oui, je vais vous laisser pétrir. Les personnes qui font la boulangerie ont les bras plats musclés. Un mélange de farine, de levure, de sel et d'eau. Tu vois, ça fait 5 minutes que j'y suis et ça colle aux doigts. Ça fait les muscles. Bah là on va lancer la flambée et en vrai il met 3 heures à peu près pour monter à température. Donc faut se lancer maintenant. Tu fais quoi toi Emma? Là on s'est défoulé sur une cagette et on a coupé du petit bois pour rajouter sur le papier journal ici. Alors moi j'ai pas trop de technique. Je peux faire un petit foyer. Ouais. Un truc comme ça là? Ouais, très bien. Fais un petit tipi. C'était trop bien d'écraser la cage. J'ai trop envie de refaire. T'as pu extérioriser toute ta colère? Ouais, exactement. J'ai écrasé le festival de Cannes en même temps. Et là, tu vas le brûler du coup, le festival de Cannes? Ouais, non, on fait le feu de joie du festival de Cannes. Trop bien. Johnny Depp, on te brûle des os. La soudure, elle va se faire en dessous. Donc là, faut pas que tu replies dans ce sens. Attends. Sinon, tu vas faire une double soudure de chaque côté. Là, ton pâton, il est quasi formé avec la soudure en dessous. Du coup, si tu veux plier, tu plies par en dessous. Ouais. Voilà. Des deux côtés, là. Comme ça, là. Hop. Tu vois. Là, l'autre côté aussi. Bah ouais, il va y avoir l'enfourdement. Faut être un peu genre au taquet. Du coup, on peut vous expliquer les étapes comme ça, parce qu'en fait, faut pas ouvrir trop longtemps la porte, sinon la chaleur redescend. Et on met toujours un peu d'eau quand on enfourne. En fait, on balance de l'eau dans le four pour créer une humidité, et c'est ce qui va faire que la croûte, elle va briller un peu à la sortie du four là. Ok, porte ok. Ok, enfournement. Action. Grigne ok. Allez, hop, on y va. 1, 2, 3. Et voilà. Wow. Et c'est parti! Et on continue! Wow. Et toi, tu te régales? Ah, je me régale. Bien. Mmh. Autogestion féministe. Oh yeah! Viens, on le fait ensemble. Viens, on le fait ensemble. Viens, on le fait ensemble. Oui, on le fait ensemble. Viens, on le fait ensemble. Viens, on le fait ensemble. Viens, on le fait ensemble. Viens, on le fait ensemble. Viens, on le fait ensemble. Viens, on le fait ensemble. Et ben merci pour ce son de la boulangerie qui était très joyeux. Et du coup, la question, viens, on fait ensemble, ça, c'est quoi en fait, ça représente quoi de faire des ateliers féministes? Et en quoi c'est féministe d'échanger des savoirs? En quoi c'est féministe? Déjà parce qu'on en est souvent exclu des chaînes de transmission, enfin des milieux qui sont hyper masculins. Et même quand on arrive à essayer d'entrer un peu par dans ces milieux-là, c'est pas facile d'y être, pas facile de sortir légitime à poser toutes les questions, pas facile d'être reconnu même dans notre capacité à pouvoir faire. Et moi-même, j'ai travaillé 2 ans, c'est un peu une forme de consécration. Je me sentais pas forcément capable d'animer l'atelier. Heureusement, j'avais 2 acolytes avec moi. Et parce que pareil, dévalorisation quoi. Et c'était hyper bien de le transmettre en mixité choisie. Il y avait, enfin, il y avait une trop bonne ambiance déjà. Et puis il y avait pas de jugement quoi. Enfin, j'avais l'impression. Et oui, du coup, transmission féministe, j'imagine qu'il y a aussi ce contre-pied de transmission patriarcale où en fait, il y a quand même une bonne culture de domination et du coup, c'est la personne qui sait qui vient remplir la personne qui ne sait pas et qui vient lui dire comment faire, comment penser. Et du coup, il y a cette chose-là qui était partout dans les ateliers de la Chignole pendant toute la semaine. Où en fait, viens, on se fait ensemble, viens, on apprend ensemble. À l'atelier corde, par exemple, genre, on a inventé des nouvelles techniques de faire des nœuds parce que tout le monde n'avait pas vraiment la même manière de le voir, donc de l'apprendre, de le comprendre. Et du coup, la transmission, elle est dans les deux sens et c'était super riche et super joyeux, en fait, surtout. Oui, et je pense qu'une transmission féministe, c'est aussi. Le monde. Patriarcal, capitaliste et hyper masculinisé dans toutes les valeurs qui sont valorisées dans cette société-là et cette technique-là. C'est aussi imaginer d'autres techniques, donc tout ce qui est. Enfin, on en a pas mal vu avec les ateliers hacking, etc. Et dans notre atelier en boulangerie, c'est aussi. Comment est-ce qu'on s'apprivoise la technique avec des. Comment est-ce qu'on fait quand. Quand ça peut être trop dur, trop lourd, trop chiant, trop compliqué, dans les manières dont c'est appris et transmis généralement, et que là on le détourne quoi. Enfin, on change la technique elle-même. En fait, on change la matrice quoi de la transmission. Ouais, on la nourrit de créativité en fait. Du coup, on se l'arrange à notre sauce et comme ça, c'est plus accessible à plus de monde. Plutôt classe. Et est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui voudraient nous raconter ce que c'est pour elles la transmission féministe? Ou alors nous raconter un super moment d'atelier. Moi, par exemple, j'ai appris à faire des nœuds de bateau et j'ai appris à faire de la menuiserie ce matin. Et en vrai, deux choses qui sont quand même qu'on apprend quand même notamment dans des espaces exclusivement réservés aux hommes. Et en vrai, j'aurais jamais pu apprendre, je pense, ce genre de choses dans des espaces aussi bienveillants et joyeux comme vous dites. Et oui, en fait, juste après, t'es en mode, tu te rends juste compte à quel point c'est que des choses qui sont très accessibles. Et comme quand on a animé d'ailleurs les ateliers radio, enfin, c'était un peu notre but, c'était aussi de se dire que on voulait faire rendre compte aux gens à quel point tout est très accessible. Et en fait, on nous dit depuis le début que rien ne l'est et on nous ment en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'une autre personne souhaiterait réagir? Ou peut-être la technique, parce que alors aussi à la technique. Alors ce plateau radio a été préparé en deux temps aujourd'hui. Enfin, c'était un temps glissant plutôt, puisqu'il a commencé par une préparation à réfléchir avec le petit groupe qui allait animer le plateau ce matin. Et cet après-midi, il y a eu un gros atelier montage technique du studio radio et qui nous fait aujourd'hui la technique en direct. Donc c'est trop bien. Je sais pas si vous vouliez en témoigner, raconter un moment d'atelier. Ça vous dit depuis tout à l'heure, quoi, ça permet de se retrouver en petit groupe et d'apprendre des techniques et des savoirs qu'on n'a pas forcément l'occasion dans la vie d'apprendre, découvrir. Et voilà, c'est hyper chouette. Moi, c'est le seul atelier que j'ai fait de la semaine, mais ça aurait été bien que ça continue un peu plus longtemps. Trop bien. La Chignole. Mettre les pinces obligatoirement dans cet ordre-là et il faudra pour s'assurer, trouver un baudrier d'escalade ou un baudrier fabriqué soi-même à partir de sangles, par exemple de ceintures de voiture. On accueille maintenant sur le plateau Elsa L, qui a également participé à l'atelier radio de ce matin. Tu voulais nous parler un peu plus des effets positifs de ce type d'initiative, donc la Chignole à Marseille ou la Tenaille à Montpellier par exemple, notamment autour de la question du réseau, il me semble. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Je voulais vous parler de rencontres. De rencontres et de réseaux. Voilà. Le festival La Chignole nous a permis tout ça à la fois, hein, et plus encore. On a pu rencontrer une multitude de personnes. Nous avons échangé, partagé, construit, transmis, appris au travers des ateliers techniques. Aujourd'hui, moi, j'ai rencontré des personnes uniques, différentes, porteuses de leur propre féminisme, dans un esprit d'échange et de bienveillance. Et nous avons co-construit cette émission de radio. Donc j'ai pu découvrir les radios rageuses, comment en créer une émission de radio, et c'est bien compliqué. Hein. C'est stressant, hein, je peux vous le dire. Et voilà, donc grâce à ça, ensemble, voilà, on a agrandi notre réseau d'une certaine manière, et notre réseau féministe. Et je voulais, par exemple, vous présenter Elsa et le collectif Aigre Douce. Oui, je présente l'émission, mais du coup, je vais aussi être interviewée. Voilà. C'est un peu particulier, mais bon, voilà. Donc Elsa, toi, tu vis à Marseille depuis plusieurs années pour tes études sur la gestion de projets culturels. Oui, c'est ça. Tu as connu La Chignole par le biais de ton collectif, du coup. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette rencontre ? Alors, en fait, le collectif Aigre Douce, c'est un collectif qui s'est lancé il y a très peu de temps, en fait, en octobre 2022, et on avait envie d'également proposer des ateliers d'apprentissage technique. Donc très vite, quand j'ai commencé à en parler un peu autour de moi, on m'a expliqué qu'il y avait La Chignole et que c'était un festival super super sympa qui se tenait en mai. Et donc dans ce cadre, j'aurais envoyé quelques mails, etc., pour essayer de se rencontrer. Et est-ce que tu pourrais nous présenter, du coup, ton collectif ? Oui, bien sûr. Alors, le collectif Aigre Douce, c'est un collectif qui est artistique et féministe. Il repose un peu sur trois piliers. Et le premier, ce serait la sensibilisation, puisqu'on veut sensibiliser à tous les enjeux de justice sociale, de l'écologie au racisme, etc., enfin, toutes ces questions-là. Le deuxième, ce serait la célébration, parce que c'est chouette de militer, et de la colère est légitime et tout, mais c'est cool aussi d'avoir des espaces où juste on peut exprimer tous ces combats-là par la joie, en fait. Et le dernier, ce serait le réseau Soror. Donc on aimerait bien proposer à plein de collectifs avec un peu la même veine de se rassembler pour pas proposer 15 000 fois les mêmes choses, mais aussi faire de la mutualisation de toutes nos envies, en fait. Ok, super intéressant. Merci. Super intéressant. Et comment le collectif est né ? Alors, le collectif, il est né de trois personnes. Au tout début, c'était parce qu'avec une amie, on avait envie de faire des ateliers radio en prison. Et donc on a un peu cherché une plateforme, en fait, pour pouvoir faire ça, et très vite il y a d'autres idées qui sont venues dans la boucle, notamment une soirée en non-mixité qu'on a fait, du coup, le 1er avril, et on espère pouvoir la refaire le 1er avril au Boom, qui est une soirée qui s'appelle la Kermesse. Donc c'est un petit jeu de mots entre Ker, on va pas dire le gros mot, mais voilà, Ker, et Messe, le bazar. L'idée de la soirée, c'est de rapprocher les œuvres du public très concrètement en proposant à des artistes de détourner des jeux de kermesse. Donc du coup, tous les jeux sont jouables et ils ont été faits par des artistes. Voilà. Donc c'était un peu les idées qui sont venues, et donc c'est comme ça qu'on a monté le collectif. Ok. Et quels sont vos prochains projets, du coup ? Mes prochains projets, ce sera certainement les ateliers radio. J'ai un trou. Ateliers techniques dans les centres sociaux. Exactement, ateliers techniques plutôt en centre d'hébergement, femmes et familles. Et ça fait déjà pas mal pour une activité en plus de nos travails salariés. On a hâte de voir ça et de rencontrer. Et je voulais te demander pourquoi Aigre Douce ? Parce que ça ressemble bien au féminisme parfois. C'est très. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous donner les contacts, par exemple ? Bien sûr. Alors, c'est très simple. On a juste un Instagram qui est collectif Aigre Douce. Il n'y a pas de point, pas de majuscule, rien. C'est juste collectif Aigre Douce. Voilà. D'accord. Mais je te remercie. Merci à toi. Je voulais demander en plus si vous avez, au travers du coup de ce festival, pu développer votre réseau, et si dans le public parmi vous il y avait des personnes qui souhaitaient échanger là-dessus. Est-ce que vous avez pu créer un petit peu plus de réseau autour de vous ? on est en train de passer le micro. C'était j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont été mis en commun, mais là ça va être un défi, je pense, de continuer cette mise en commun des compétences, des, enfin, tous les gens qui sont rencontrés là dans le festival. Moi je fais un peu partie de l'orga, on a mis en lien des gens même qui étaient dans le même un peu qui avaient les mêmes compétences ou passions et qui se connaissaient pas forcément et qui ont fini par animer des ateliers ensemble. Mais l'idée, ça va être de continuer. Donc, compte sur vous pour, je sais pas, faire un annuaire, faire d'autres réunions, faire, faire en sorte que ça continue, en fait, qu'on puisse faire d'autres ateliers. Que ça se pérennise. Que ça se pérennise. Oui, effectivement, ça serait chouette que les organisateurs puissent nous transmettre ce réseau et le faire perdurer, peut-être via quelque chose sur un site internet. Ça serait sympa. Et sur la question du réseau, c'est... Oui. C'est le réseau tout en étant le lieu, mais je suis allée à un atelier au Fluid Space et ça m'a permis, ça faisait un moment que j'en entendais parler et ça m'a permis d'y mettre les pieds. Et j'ai eu l'impression que ça agrandissait mon réseau. Voilà, parce que de découvrir des lieux et de savoir qu'on peut y aller pour des événements, bah, ça ouvre de nouveaux possibles. J'aimerais juste rajouter une petite chose, c'est sur le réseau. On peut parfois, enfin, j'ai l'impression que ce terme, il peut un peu évoquer le truc un peu business, un peu capitalistique, etc. Mais je trouve que dans le contexte du féminisme et de nos milieux, c'est beaucoup plus quelque chose basé sur l'entraide, quoi. C'est vraiment quelque chose basé sur la sororité, tout simplement. Et donc, ouais, je trouvais important de le dire. Je suis totalement d'accord. Je te rejoins, effectivement. Et moi, à propos de réseau, j'étais à l'atelier montage lundi et j'étais trop contente de rencontrer des nouvelles personnes qui ont cette passion du logiciel de montage Reaper et qui ont envie de continuer à faire des rendez-vous pour justement échanger des savoirs et échanger des questions autour de ce logiciel. Voilà, donc c'est aussi un autre exemple de réseau. Super. Donc la rencontre permet de se créer son réseau et de créer tout court, en fait. Je crois qu'il y a une question dans... Enfin, il y a quelqu'un qui veut participer. Oui, je me demande, au-delà du festival, comment, quand vous dites pouvoir faire réseau, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont voulu participer à des ateliers et qui n'ont pas pu parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et d'ailleurs, le nombre restreint de places aux ateliers permettait aussi d'en faire des lieux chouettes et d'échanges, etc. Donc, ce n'est pas du tout une critique. Mais je me demande comment pouvoir faire résonner le festival au-delà et pouvoir aussi créer du lien avec les personnes qui ne pouvaient pas être là, mais qui auraient voulu, qui travaillent en semaine, ou, enfin voilà, qui ne pouvaient pas venir aux ateliers, mais qui auraient été intéressés. Question, réflexion effectivement ouverte, peut-être pour le Festival de la Chignole 2. Après aussi, pour tous les orgas, les personnes qui étaient à l'orga du festival, je pense qu'on a rencontré pas mal de gens, de personnes qui nous ont donné un peu des idées, en fait, pour comment ça va se passer la suite, puisqu'on a envie d'une suite, sous quelle forme. Et justement, pour répondre aux problématiques qui venaient d'être dites, genre, il n'y a pas tout le monde qui a fini d'apprendre ce qu'elle a envie d'apprendre, quoi. Donc, ce qu'elle a envie d'apprendre. Donc, du coup, bon. Et on a rencontré plein de gens qui nous donnent des petites idées. Donc, le réseau, c'est aussi ça. C'est comment on imagine quelque chose qui continue, qui se transforme, qui prend plein de formes différentes. Voilà, des réunions Reaper régulières. Enfin, voilà, excellent. Il se passe plein de trucs chouettes, quand même. Réunion Reaper, être le nouveau réunion Tupperware. On va continuer. Merci beaucoup pour ces prises de parole. On va continuer l'émission. Oui, alors vous allez maintenant écouter la chanson 20 Beaches Deep de l'autrice Chiffy McFly. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, walk in the party. Walk 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 walk in the party, walk in the party. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, walk in the party. Walk 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 walk in the party, walk in the party. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, walk in the party. Walk 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 walk in the party, walk in the party. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, walk in the party. Walk 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 walk in the party, walk in the party. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, walk in the party. Walk 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 walk in the party, walk in the party. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, walk in the party. Walk 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 walk in the party, walk in the party. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, 20 bitches deep. Walk in the party, walk in the party. Walk 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 bitches deep, 20 bitches deep. 20 walk in the party, 20 bitches deep. Bonjour à tous, bonjour. Donc c'est encore Margot. Bienvenue à toi qui écoute le 88.3.4 évidemment. Il y en a qui sont réveillés parmi nous, ça fait du bien. Un peu alors, plus que toi, un peu plus réveillé que toi. C'est ça. Alors en cette fin d'émission spéciale, on a pensé que pour un max de fun, quoi de mieux qu'un petit jeu. Alors ça va être très simple, c'est un jeu qui est inspiré du fameux jeu d'apéro, le jeu du Dico, mais version savoir-faire technique. Donc voici le jeu de l'engin. Alors pour la première manche, ça va être simple. Je vais vous diffuser un son d'outil, d'instrument, d'ustensile, que dis-je, d'engin, et vous devrez me donner le nom de cet objet. Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors c'est parti Camille. Des idées dans le public? J'entends... Eh non, ce n'est pas une machine à écrire. Une agrafeuse murale. Je vous entends pas bien. Redites. Une agrafeuse murale? Ah, non, mais presque. C'est dans le métier de la charpente. Un pistolet à clous? Eh, presque, c'est presque on ça. Veut on le va nom valider, précis. On va valider. C'est un pistolet à finette? C'est exactement presque ça. C'est le bruit d'une clouée. C'est... C'est le bruit d'une clouse à air comprimé. C'est un espèce de gros gun qui te permet de déclencher 5 clous à la seconde. Bon, vous le saviez pas, mais maintenant au moins vous le savez, et donc vous pourrez reconnaître ce doux bruit mélodieux d'une clouée à air comprimé un petit matin réveillée par votre voisine Martine, charpentière de génération en génération. Bon, bref. Passons à la deuxième manche. Cette fois, vous allez devoir me donner la définition de qu'est-ce qu'un cartoucheur. Alors, madame, messieurs, personne non binaire, une petite idée. Qu'est-ce qu'un cartoucheur? Dans le public? Un cartoucheur. Ce n'est pas une cloueuse à air comprimé. Là, il y a quelqu'un qui a levé la main, là-bas. Au fond. C'est, C'est pour ranger les cartouches d'encre de son stylo à plume. Et non, malheureusement, Madame Louise, nous sommes plus en CM2, nous ne faisons plus la collection des petites billes dans le cartouche. Le roast. Un cartoucheur, c'est un logiciel qui permet de répertorier nos sons à diffuser lors d'une émission radio. Exactement. Il y en a qui font la radio ici. Hein. Donc, comme le dit Majouline, c'est un logiciel permettant d'envoyer des éléments sonores, dits cartouches, en direct d'une émission. Bon, en vrai, ça ressemble à un gros pad virtuel. Et par exemple, si j'appuie là, sur mon écran, sur la touche en haut à gauche de mon écran, ça fait i-an, i-an, et donc vous entendez une cartouche enregistrée de nos amis les poules. Bon, enfin, pour la dernière et troisième manche, ça sera à vous, public, de me donner votre meilleure imitation buccale. Là, c'est compliqué, hein. Buccale du bruit d'une chignole. Alors, si vous débarquez... Attendez, j'ai pas lancé le tempo encore. Alors, si vous débarquez un peu de votre galère et que vous avez toujours pas compris ce que c'est une chignole, en gros, c'est l'équivalent d'une perceuse à main. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de volontaire ? Oh, les nus ! Moi. Les nus ! Les nus, mon voisin. On applaudit. Bravo, les nus. Merci. Alors, merci, les nus. C'était vraiment une super imitation d'une porte qui grince. Alors, ça y est. Malheureusement, c'est déjà la fin du jeu de l'engin. Oh. Ah, on a une autre imitation en stock. Une chignole. C'est sûr, une chignole sauvage se balade dans les locaux de la tarentule. Et oui, c'est la fin du jeu de l'engin, mais c'est bientôt aussi la fin de notre émission Radio Chignole. Oh non. Mais Anaïs va nous annoncer une bonne nouvelle pour ce soir. Ouais. Eh bien, oui. Alors, ce soir, on fait une sacrée teuf de fin à la DAR, oui. Et du coup, donc, on a trois superbes DJ qui vont nous régaler ce soir. On ouvre les portes vers 20h. On ouvre le son à 21h30 avec Monde Kobold, qui fait du live machine. Ensuite, on a DJ Rican et on termine avec la fabuleuse SM6 qui a planifié la soirée et qu'on remercie beaucoup, beaucoup. Et ça va être trop bien, donc venez, on va bien s'amuser, on va bien rigoler et surtout on va danser et célébrer tout le bon taf qu'on a fait toute la semaine. Voilà. On se cogne. On se cogne. L'insolence nous traduit, nous exprime. Et notre attitude paraît grossière ou provocatrice. Voilà, donc c'est la fin de Radio Chignole. Merci beaucoup à toutes les participantes de cette semaine, à toute l'organisation aussi de ce magnifique festival. On voulait remercier la Tarantula qui nous accueille aujourd'hui. Radio Rageuse pour les ateliers radio. Radio Galère et Radio Haïli qui diffusent cette émission. Les organisateurs, comme j'ai pu le dire, et organisatrices, big up à vous. Toutes les personnes qui ont proposé des ateliers pendant le festival, merci aux participantes des ateliers prise de son et de l'atelier boulangerie. Merci aux participantes de l'atelier technique de cet après-midi et puis merci à nous en fait, voilà, bravo. Ouais. Et puis on conclut cette émission en musique avec Nézé Karabosek, un son qui s'appelle Yali Yali. Merci beaucoup et au revoir. Thank you. lorsque les câbles passent en hauteur, gratter les numéros marqués sur la cime. Et si tu es en triphasé, il est plus facile de bien observer la boîte de vitesse. La Chignole. Festival féministe de transmission de savoirs techniques. Atelier à mixité choisie. Apprentissage collectif. Samedi 20 mai, 16h-17h. En direct de la Tarantula. Radio Galère, 88.4 FM. Ça c'est DIY. Bah, je sais pas, ça fait un son.